Mozart était-il un génie ? Dans ma chronique d'aujourd'hui, je voudrais évoquer l'histoire des individus que l'on appelle des génies. Ce terme a pris son sens actuel au début du XIXe siècle, à l'époque du romantisme. Auparavant, les artistes étaient considérés plutôt comme des artisans, placés sous la coupe des mécènes qui les faisaient vivre. Le cas de Mozart illustre parfaitement les contradictions dans lesquelles se sont débattus les artistes que nous considérons aujourd'hui comme des génies, mais qui n'étaient pas perçus comme tels à leur époque. Né en 1756 dans une famille de musiciens qui dépendait des aristocrates de la cour de Vienne, il a appris la musique dès ses premières années sous la férule d'un père très autoritaire. En 1773, Wolfgang Amadeus est placé dans la domesticité du nouvel archevêque de Salzbourg, qui entrave sa liberté de création en lui imposant des formes de musique rigides, souvent religieuses, qui insupportent au plus haut point le jeune compositeur. Son tempérament subversif explique aussi son enthousiasme pour Paris, la ville lumière. C'est le seul endroit où l'on peut gagner de l'argent et se faire honneur, écrit-il à son père en 1777. Quiconque a écrit quelques opéras à Paris reçoit quelque chose de fixe par an. Et puis, il y a le concert spirituel, l'académie des amateurs. Si l'on donne des leçons, l'usage veut que l'on gagne 3 louis d'or pour 12 leçons. On fait ensuite graver en souscription des sonates, trios et quatuors. Ces propos montrent que le jeune Mozart espérait qu'un marché de la musique puisse se développer de manière autonome, comme celui du livre, grâce auquel les écrivains et les philosophes pouvaient désormais se détacher de la société de cour. Mais il a dû rapidement déchanter, car dans le domaine musical, même à Paris, il n'était pas encore possible d'échapper au patronage de l'aristocratie. Malgré tous ses efforts, Mozart ne parvient pas à s'imposer dans ce milieu. Son style n'est pas compris. Son réseau est défaillant et il n'arrive pas à s'adapter vraiment au code de la cour. Le rêve que Paris puisse être le lieu de son émancipation s'écroule brutalement. Étant donné le grand nombre de petites principautés qu'abritait alors le Saint-Empire romain germanique, Mozart pouvait jouer sur cette diversité pour changer de mécène, alors que ce n'est pas possible à la cour de Louis XV, car son royaume est un état unitaire et centralisé. Mozart va tenter d'autres expériences pour échapper aux contraintes qui pèsent sur lui. En 1781, il décide de se séparer de son père et du prince archevêque de Salzbourg. Ce nouvel envol lui permet de sortir des conventions et d'innover musicalement, comme le montre son opéra intitulé « L'enlèvement au sérail ». Mais le verdict de l'empereur d'Autriche, qui lui avait commandé cette œuvre, est sans appel. « Trop beau pour nos oreilles, eh bien trop de notes, mon cher Mozart. » Norbert Elias estime que Mozart a été pris, durant toute son existence, entre les normes des anciennes couches dominantes, c'est-à-dire la noblesse, et celles de la classe montante, la bourgeoisie. Cette position a finalement provoqué chez lui une perte de repères et le sentiment d'avoir été vaincu. Son habitus correspondait trop tôt aux conditions libérales d'un Beethoven qui, lui, pourra vivre de son génie au XIXe siècle.